It's a hot day night and you begin to see a show on the TV, up fully with me. Then you go to bed, I'm still inside your head. Et tu imagines si jamais j'arrête. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans la cuisine, on bat le briquet.